L'Immobilière Normande, groupe de 10 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 40 19 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 7 août. Ce soir sur TF1, Camping Paradis comme chaque semaine avec que des rediffs et après faut pas se plaindre en disant « Ah ben ça marche plus des masses, hein. On n'est pas des lapins de 6 semaines ». Arrivé à un moment quand on a vu 10 fois l'épisode, on sait ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire ? France 2, meurtre au paradis, un meurtre sous les cocotiers, là aussi que de la rediff et c'est toute la soirée. France 3, Pauline Détective, une comédie franco-belge avec Sandrine Kimberlin, Audrey Lamy. Alors on devait voir ça normalement la semaine dernière et je sais pas pourquoi ils ont changé. Enfin bon, le concept, elle vient d'être quittée par son mari, elle déprime, sa sœur l'invite, avait été en Italie dans un hôtel. Une femme disparaît, il y a un meurtre et comme elle est journaliste de faits divers, elle décide de mener l'enquête pour s'occuper. Canal, Babylone Berlin pour débuter la soirée avec que de la rediff. Arte, une histoire vraie, un drame de David Lynch. Donc d'entrée, tu sais qu'on est bien. Non, David Lynch, il fait pas dans la gnognotte. M6, L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? On va faire un petit point, on va savoir s'ils sont toujours en couple, on va voir s'ils s'aiment toujours ou alors si le mec l'a foutu dehors à coup de fourche. Le meilleur de la TNT, France 5, nu et culotté, est en Bretagne. C8, l'inspecteur Lewis avec que de la rediff toute la soirée. W9, une soirée Astérix et Cléopâtre et le Gaulois. TFX, appel d'urgence, nous sommes avec la police de Nice. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 10 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 40 19 90. Toujours plus proche de vous. Espace. Ou midi, chacun dit comme il veut. Espace à Louviers, amis restaurateurs, bon courage pour le service du midi. Voici l'info. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonjour à tous. Un hommage national sera rendu à l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, décédée samedi à Paris à l'âge de 94 ans, avant la fin de l'été, aux Invalides. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué diffusé ce dimanche soir. Le président Emmanuel Macron et son épouse saluent un destin exceptionnel, mu par l'amour de notre pays, de sa langue et de sa culture. Fin de citation. Le chef de l'État avait déjà loué samedi une historienne majeure. Elle fut la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Comme elle, son legs est immortel. C'est ce qu'il avait notamment développé dans un message sur la plateforme X, ex-Twitter. Les circonstances du drame restent encore à éclaircir. Un homme a trouvé la mort dimanche aux alentours de 18h, percuté par un TGV qui venait de quitter la gare de Quimper dans le Finistère, en Bretagne. Il circulait sur un chemin longeant la voie ferrée à moins de 5 km de la gare lorsqu'il a été fauché et tué. Sur le coup, la rame de TGV qui effectuait la liaison Quimper-Lorient a ainsi été immédiatement immobilisée sur la voie. Le temps de l'intervention des secours et des forces de l'ordre sur les lieux à bord du train, 200 passagers dont le trajet a dû être mis en suspens. Et puis un drame s'est produit dans le petit village de Sainte-Croix-du-Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce dimanche, un groupe de personnes était abrité sous un arbre lorsqu'une bourrasque a arraché une partie du branchage, écrasant un enfant de 6 ans. L'accident a eu lieu vers 16h45 sur la plage. Une enquête a bien sûr été ouverte. Juan Branco fait face à de graves accusations au Sénégal. Le médiatique avocat a été inculpé et écroué ce dimanche à Dakar après avoir été arrêté en Mauritanie voisine. Le juge l'a inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publics graves. Par ailleurs, de nouvelles charges ont été déposées contre lui. Séjour irrégulier et outrage à magistrat lui ont été signifiés. Le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig, a dépassé le cap du milliard de dollars au box-office mondial, selon les estimations ce dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Jamais un film réalisé par une femme n'avait réussi cette performance. Sur la plus normande des radios, Daniel. Un peu partout dans l'Aglo-Sanner, je vous envoie plus de tubes avant Victor Thompson et Vakra. On s'écoute Nicky Jam et Maluma pour Cellular. Espace, plus de sons, plus de tubes. Habrá cambiado de compañía. Me habrá bloqueado, ya no tiene señal. Que se fue la monotonía. O tu mala vibra que le puso final. De ser uno pasamos a dos extraños. Tu foto sigue colgada en el baño. Sé que nos hicimos mucho daño y sé. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar, no me importa el lugar, no me importa el país. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar, no me importa el lugar, no me importa el país. Tienes novio nuevo. Si no estás conmigo, es culpa de tu ego. Así lo que hiciste, ya mismo te relevo. Ya. No te peso cuando tomo alcohol. Ni un baretico me quita el dolor. En mi cuarto dejaste tu olor. Se acabaron las pelis terror. Tú me apagas como extintor. Eres el cuadro, eres pintor. Y ahora te llamo. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar. Cuando toma alcohol y las pastillas quitan el dolor. En mi cuarto dejaste dolor. Se acabaron las peli de terror. Tú me apagaste con el cintor. Tú eras el cuadro y yo era el pintor. Ahora te llamo. Y aunque me apague el celular, te voy a llamar. Sé que estás por ahí. Sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar. No me importa el lugar, no me importa el país. No me importa el país. Y aunque me apague el celular. plage qu'avec la mer et l'océan. Je deviens jaloux quand les vagues portent ton prénom. This year, blessing, money, testimony. Go they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow you they go. This year, good news, diet, plenty money. Go they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow you they go. Everything I be wanting, manifesting for my life. Everything you be wanting, manifesting for your life. T'as l'en caché, joli bébé, toi tu l'as. On s'est attaché, on n'a jamais parlé chinois. Toi et moi ça glisse comme la patinoire. Cette année moi j'ai de quoi t'offrir des bijoux. Tu m'as raté et maintenant tu me dis à émission. Thompson va créer ensemble sa donne This Years et c'est un son en playlist estivale Espace. À déjà midi, 8 minutes, on est aussi connecté Espace Normandie sur Facebook, Twitter, enfin Twitter X et Instagram. Oui, il faut y arriver quand même à faire le changement Twitter X. Hein. C'est pas simple, c'est pas simple. Merci Elon Musk pour la difficulté. On reste ensemble. Des cadeaux, des bons plans, des idées sorties, c'est sur vos réseaux Espace Normandie. Juste après la pub, Marshmallow Farouko ou encore Gaëtan Roussel à nos côtés. Le répondeur Espace. La radio régionale vous donne la parole. Dédicace, infos, événements, manifestations. Le répondeur des auditeurs est là pour vous. Laissez-nous votre message. 09 50 35 52 fois. Appel gratuit. Auditrice, auditeur, organisateur et partenaire. À vos téléphones. 09 50 35 52 fois. Espace, toujours plus proche de vous. Je dois changer mes fenêtres, mes volets et je rêve d'une belle pergola. Sais-tu à qui je peux m'adresser en toute confiance ? Mais bien sûr, les établissements Le Sueur. Ah ? Dis-moi. Les établissements Le Sueur, c'est une entreprise familiale spécialisée en métallerie, serrurerie et menuiserie depuis 1986, avec des équipes dédiées pour le particulier. Tu as déjà travaillé avec eux ? Oui, ils m'ont changé mon portail et ma porte de garage, en temps et en heure, et la pose était parfaite. Retrouvez ces produits chez le groupe Le Sueur, à Louviers, 22 bis rue François Le Camus, 02 32 25 26 32. Institut Jennifer à Gournay-en-Bray, la détente assurée. Maquillage permanent depuis 20 ans, rehaussement et extension de cils, épilation, soins du visage, du corps, manucure et pose de gel UV. En boutique, des produits 100% français. Sauskin Pégissage, Matisse, MySpa et Gumis Lachille et Beauté. Profitez aussi de nos sacs, tenues tendances, bijoux et bougies made in France. Institut Jennifer, la détente assurée. Prenez rendez-vous, une équipe à votre service au bout du téléphone. 02 32 89 55 93, 29 rue Notre-Dame à Gournay-en-Bray. Quel est votre créneau aussi en ligne sur Planity ? Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Le Croix-Corse, bonjour. On est dans les vagues, pas plus de moteur, monsieur. Il faudrait venir nous aider, ça vous en supplie. Est-ce que vous avez des gilets de sauvetage à bord ? Ouais. Madame, est-ce que vous voyez les sauveteurs arriver ? Oui, je les vois de loin, là. Cet été, les sauveteurs en mer seront là pour veiller sur vous. Soyez là pour eux. Faites un don sur snsm.org. techno. Are you ready? Soy feliz, yo cambié, que conste, fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. De s'arrêter. La plus normande des radios. La plus normande des radios. Espace, à Rouen, c'est la plus normande des radios. Flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Wind up on my body, girl. Psicópata cuando mueve este sol. me pongas a prueba. Danza descalza con su pedicure. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca choca ya estoy maquineando. Tú tienes la culpa de estar tan dura. Y es una psicópata cuando mueve te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Como un one shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and on the dance floor. Then she start to work out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I owe me a door, so it's all. Danza descalza con su pedicure. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca choca ya estoy maquineando. Tú tienes la culpa de estar tan psicópata cuando mueves te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Alors, on fait grimper la température en voiture, direction la métropole rouennaise, la région parisienne. Espace sur la 13. Salutations à nos routiers comme chauffeurs de bus qui écoutent la radio régionale. Après Charlie Black, déjà midi 20. Et on retrouve Harry Betozuna Gims ou encore Julie Tuzet pour son nouveau son texte, juste après votre chronique, à retrouver dès sa diffusion en podcast sur l'appli. Les conseils du doc. Espace. Les conseils du doc d'espace. Auditrice, auditeur, salut. On parle d'insolation ou de coup de chaleur. L'insolation définit une augmentation de la température interne du corps humain au quotidien. Le corps humain régule la température interne pour la maintenir autour de 37 degrés via des mécanismes comme la transpiration et la soif. Lorsque les capacités de régulation de la température corporelle sont défaillantes, le phénomène d'insolation survient. Aussi appelée hyperthermie, l'insolation comporte plusieurs stades et plusieurs degrés de gravité. Elle est parfois confondue avec le coup de chaleur qui définit une autre forme d'hyperthermie. Parlons de l'insolation chez l'enfant ou chez le nourrisson. C'est un cas très sérieux d'insolation. Les plus jeunes enfants n'ont en effet pas la même réaction que les adultes face à l'augmentation de leur température interne. Il est donc recommandé d'être particulièrement vigilant face à ce phénomène lorsqu'on est responsable de nouveau-nés et de jeunes enfants. Quelles sont les causes d'une insolation ? L'exposition prolongée au soleil constitue la principale cause d'une insolation, bien que l'on parle d'exposition au soleil. Il s'agit, pour être plus précis, de l'exposition à de fortes chaleurs et au rayonnement du soleil. Cela est accentué par la consommation d'alcool, le manque de sommeil, l'obésité ou encore la pratique d'une activité physique intense et ou prolongée dans un contexte de chaleur. Cela peut favoriser cette insolation. Des conseils pour cet été, des mesures pour éviter l'insolation, éviter l'exposition prolongée au soleil, porter des éléments de protection contre la chaleur, éviter le port de vêtements épais, hydratez-vous, rafraîchissez-vous le corps et évitez les efforts physiques prolongés. Espace, c'est votre radio régionale. A salir, la vida aún te brinda deseos de vivir. Me voy a enamorar, no me importa tu edad. Yo quiero estar contigo en Alemania en madrugada. No puedo darte una cartera, pero vamos a cenar. Que nos concentremos, apaguemos el celular. Me invitaste a pecar, estamos pensando igual. Estamos pasando bien, yo delatándote del mal. Te estoy dando todo de mí. Dime por qué te eres así. Dicen que todo es la palabra, pero se la dio el viento. J'ai cru voir un image. C'est quand tu finis pas ce que tu dis.

Adrien Henry et toutes ses équipes vous présentent l'info locale et régionale. Henri Couverture, couverture, zinguerie, ramonage et agri, installateur conseil Velux dans le département de l'Eure. 02 32 59 14 09. Bonjour à tous. La fréquentation des campings en Normandie a connu une forte augmentation entre 2019 et 2022 avec une croissance de 16,5%, soit 730 000 nuitées supplémentaires. Selon l'INSEE, la région enregistre ainsi la plus forte hausse de fréquentation en France métropolitaine. Les touristes français étaient notamment plus nombreux dans les campings normands en 2022 avec une augmentation de plus de 23% par rapport à 2019. La Seine-Maritime a enregistré la plus forte hausse avec 24%. Les gérants des campings notent des tendances telles que les réservations de dernière minute, la préférence pour les locations de mobil-home et la diversité des nationalités parmi les campeurs. Le journal du dimanche a fait une erreur dans sa nouvelle édition du 6 août. Alors que sa une portait sur Enzo, poignardé à mort près de Louviers, la rédaction a utilisé la mauvaise photo montrant une marche blanche pour un autre Enzo décédé, lui, dans les Landes en janvier dernier lors d'un accident de voiture. Deux erreurs en une, suscitant des moqueries en ligne et des commentaires critiques d'élus. Cette situation souligne les problèmes internes que traverse le journal depuis les changements récents dans la direction éditoriale. Les journalistes de l'hebdomadaire avaient réalisé une grève de 40 jours contre l'arrivée du nouveau rédacteur en chef marqué à l'extrême droite. À Léry, près de Louviers, une série de cambriolages suscite l'inquiétude. Le club de foot a été touché avec deux tablettes et une dizaine de jeux de maillots volés. D'ailleurs, une cagnotte en ligne a été ouverte pour collecter des fonds afin de racheter des maillots. La coiffeuse et la fleuriste locale ont également été cambriolées. Face à cette vague de vol, certains commerçants ont renforcé leurs mesures de sécurité tandis que la commune a éteint ses réverbères de 23h à 5h du matin. Les patrouilles de gendarmes seront également renforcées pour prévenir de nouvelles intrusions. À la suite d'un cambriolage le 27 juillet dernier dans le secteur de Mésidon-Vallée-d'Auge dans le Calvados, les gendarmes de Lisieux ont lancé un appel pour retrouver les propriétaires de bijoux volés dans toute la Normandie. En effet, lors de l'interpellation des deux présumés voleurs, en plus des bijoux dérobés lors de ce cambriolage, plusieurs autres bijoux, probablement d'origine frauduleuse mais non identifiés, ont été découverts. Si vous avez été victime d'un cambriolage et pensez être propriétaire d'un ou plusieurs des objets découverts, prenez contact avec la brigade de gendarmerie dont vous dépendez. Après vérification, les gendarmes vous orienteront vers les enquêteurs en charge de cette affaire. La SPA de l'Eure à Évreux fait face à une saturation du refuge avec de nombreux animaux en attente d'adoption. Les abandons augmentent alors que les adoptions sont moins fréquentes. Les places sont limitées aux cas d'urgence. Le manque de stérilisation contribue également au problème. La SPA de l'Eure espère un regain d'adoption en septembre et cherche un terrain pour déménager et améliorer les conditions d'accueil. Quatrième phase de réhabilitation du pont suspendu des Andelys. Après les poids lourds lundi dernier, c'est au tour de la circulation des véhicules légers d'être affectés. Un trafic alterné est mis en place aujourd'hui. Ce chantier de 2,7 millions d'euros a pour mission, jusqu'en février prochain, de renforcer des poutres de rigidité. Plus de 4500 véhicules empruntent quotidiennement le pont des Andelys. Il fait toujours beau avec les pros. Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service vous présentent la météo en Normandie et Picardie. Cet après-midi, c'est le retour du soleil, mais un soleil voilé avec un thermomètre à peine 18 degrés sur la côte adrèze. Comptez 19 degrés à Pont-Audemer, mais également au Neubourg. 20 degrés à Bernay, Louviers, les Andelys et Gisors. 20 degrés également à Rouen. 21 à Vernon et Évreux. JV Service, à votre service depuis plus de 20 ans et encore pour longtemps. À Louviers, 21 boulevard du Maréchal Joffre, 02 32 59 73 20. Rouen, Val-de-Reuil, rue Léry, 02 32 25 92 80. Plomberie, chauffage, climatisation, on a la solution. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. En remerciant l'équipe News, Espace, c'est l'actu au plus proche de vous, à réécouter à tout moment de la journée. Sur votre appli Espace Normandie, c'est en podcast. En ligne, 7espace.fm, à 12h34. Retour en tube avec Martin Solveig, Now or Never, à Gisors et Trépanie. I've been so caught up lately, thoughts spinning round my head. I should just let go maybe, be right here instead. Beauty in the everyday. I got nothing left to hide. Gotta give it all away. Wait until I catch my stride. I'm gonna live. I'm gonna fly. The moment's right now or never. Light up the sky like fireflies. The moment's right now or never. to look back, baby. It's getting out of hand. Pictures and faded memories. La pause d'âge espace du beau monde et des sons tout frais pour vous avec Alex Sensation, Farouk et Prince Royce, After Party, déjà midi 40 minutes, le temps d'une petite pause. Et on refait le plein, ça ne s'arrête pas. L'artiste belge Angèle pour plus de sens, Lucin et Dermot Kennedy du très très beau monde. Allô, j'écoute. Bonjour coach. Bonjour. Je suis sur le point de... Oui. De pirater un film. Ah. Je vais craquer. Aidez-moi. Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM. Au travail comme à la maison, entre les réseaux sociaux, les emails, les séries, On passe notre vie à être connecté et à solliciter nos yeux. Le monde a changé, alors pourquoi pas vos verres? Améliorez votre vue. Choisissez les verres Eyezen qui offrent un meilleur confort visuel et aident à protéger de la lumière bleue nocive. Eyezen, un verre Essilor. Voir plus, vivre plus. Retrouvez ces verres chez Open Optique. 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Openoptique@hotmail.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Le complexe aquatique Caséo de Louviers vous accueille 7 jours sur 7. Piscine, toboggan, pentaglisse, structure gonflable, salle de cardio-musculation, espace bien-être. Caséo vous offre une multitude d'espaces. Le centre aquatique Caséo, c'est aussi des cours collectifs et apprentissage de la natation. Caséo à Louviers, c'est toutes vos activités au sein d'un même endroit. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.caseo-sen-heure.fr. Les meilleurs tubes reviennent. Tire-espace. Dans un instant. Bonjour madame, je suis la chirurgienne qui va vous opérer. Ça va ? Comment elle va cette épaule, madame ? Docteur ? C'est madame Falampin ? Oui, c'est madame Falampin qui a une fracture de l'humérus. Madame Falampin, lycée Marie Curie ? Sonia. Oui, c'était ma prof d'SVT. Ah, waouh. En fait, c'est elle qui m'a donné le... qui m'a donné l'envie de... Madame Falampin, j'y crois pas. Bah, moi, j'y ai toujours cru, Sonia. Un professeur, ça change la vie pour toute la vie. J'ai parfois wanna be is the darkness that I see. I don't know how to be there for me too. Cause you missed the other day, I was fine anyway. The love you have for me, yeah, isn't true. I don't wanna be yours, eh? You can't be mine, and I don't even know myself. Everything was happy, my heart was broken, but I don't think that you understand. You know that I can be a fool for you, the way you made up all those stupid rules. You always won just so that I could lose. You know that I can be a fool for you. How many times did you call me up inside? I learned to hate myself with a little more. Vous conseille. Bonjour, Alain Cocconi, avocat. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet particulièrement grave, mais qui mérite d'être évoqué, puisqu'il s'agit de la protection renforcée des parents d'enfants gravement malades au regard du Code du travail. En effet, une proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité a été définitivement adoptée par le Parlement le 12 juillet dernier. Ainsi, afin de permettre aux parents d'accomplir les démarches administratives et matérielles entourant la survenance de certains événements familiaux sans réduction de leur rémunération, la loi augmente la durée de certains congés familiaux. Il en est ainsi du congé pour le décès d'un enfant de 25 ans et plus, porté à 12 jours ouvrables au lieu de 5 actuellement, mais également du congé pour annonce de la survenance d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer, qui passe à 5 jours ouvrables au lieu de 2. Par ailleurs, il est également prévu de faciliter le recours au télétravail pour les salariés aidants, qu'ils soient parents d'un enfant gravement malade ou aidants d'un parent ou d'un proche. Enfin, la loi introduit une protection contre le licenciement du salarié pendant le congé de présence parentale prévu à l'article L1225-62 du Code du travail. Pour mémoire, le parent peut bénéficier d'un congé de 310 jours ouvrés maximum. Ce congé peut être fractionné ou pris à temps partiel. Durant cette période, l'employeur ne pourra rompre le contrat qu'en cas de faute grave de l'intéressé. Espace, c'est votre radio régionale. Yeah.

Il est 13h tout pile sur Espace en plein cœur de la zone industrielle du Val de Reuil. Bon début d'après-midi, c'est reparti pour une heure ensemble. Sur la plus normande des radios, Nils. Allez, nouvelle semaine, nouveau tube. C'est le dernier George Smith sur Espace. Espace, plus de son, plus de tubes. Prends le temps de se Cyrandelle fait sa fête. Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 août, ce sont les fêtes Saint-Ouen. Samedi 26 août, Corso Fleury illuminé dès 21h. Dimanche 29 août, à partir de 15h, Grand Corso Fleury et fête foraine. Lundi 28 août, la fête continue avec les forains, place de la mairie. Les fêtes Saint-Ouen à Fleury-sur-Andelle, un événement ville de Fleury-sur-Andelle, organisé par l'association Animation Fêtes et Cérémonies. Avec espace. Info www.fleury-sur-andelle.fr. Autant pour moi, dit-on pour soi. Mesdames, le prêt-à-porter de qualité est au bout du chemin. Robe, ensemble, jupe, veste, vous trouverez votre bonheur à vos côtés. Nous récompensons votre fidélité, moins 10% sur votre 6e achat. Alors, venez en profiter à Gournay-en-Bray. Autant pour moi, 5 rue de l'Église à Gournay-en-Bray. 02 32 89 77 67. Ouvert du mardi au samedi. Vanessa et son équipe vous attendent. La boulangerie Fleur des Blés recherche sa ou son futur pâtissier afin de compléter une équipe jeune et dynamique. Vous justifiez d'une expérience dans ce domaine et êtes doté d'une bonne organisation de travail. Venez nous rejoindre. Vos compétences seront appréciées et reconnues, sans oublier l'opportunité de proposer vos créations. Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2023. Boulangerie Fleur des Blés, 19 rue Saint-Jean à Louviers, 02 32 40 18 72. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace. Dans un instant. Pas de jour férié ? Pour votre Intermarché, centre commercial Le Béquet à Louviers. Nous sommes ouverts le 15 août de 8h30 à 13h. Encore plus de facilité à profiter de nos produits de qualité. Intermarché, centre commercial Le Béquet à Louviers. To lose my mind, my head, my heart. don't show me no tears. I'm around and I know when I'm here. Don't you cry if I disappear. Val-de-Reuil. Écoutez Espace. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever. I like it weird. Okay, let him disappear. Say whatever you want to hear. Just say. All year complete. Espace. Plus de tubes avec Just dancing with my eyes closed. Ed Sheeran. 'Cause everywhere I look I still see you. Imagine Dragons. Miles Stephens. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. Espace. Plus de tubes. Who's the musician? Fato. Who's the technician? Who's the producer? Baka. They do bad things for good reasons, you know. I know you know. And when they do good things for bad reasons, you know. I know you know. We no keep messing, we no keep malice. Yeah. We just wanna have some fun tonight. We are the happy people. We are the world. Flex environnement. Salut, on retrouve Karine et Guillaume de l'agglomération Senneur. Oh là là, qu'est-ce que tu fais Martine? C'est quoi toute cette fumée? Je viens de tailler mes lauriers, j'ai mis à brûler tout ce qui rentrait pas dans le bac à déchets verts. T'as fait quoi? Tu sais que c'est non seulement très polluant, mais illégal en plus. Tu risques une amende de 450 euros. Puis c'est du gâchis ce que tu fais là. Du gâchis? Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils en font de nos déchets verts quand on met dans le bac ou quand on les apporte en déchetterie? Bah figure-toi qu'ils font de tes déchets une ressource. Tes lauriers, si tu les déposais là où il fallait, en déchetterie ou dans ton bac à déchets verts, ils seraient broyés puis compostés. Compostés, brûlés, c'est pareil hein. Non mais Martine, faut pas dire n'importe quoi. Brûler dans ton jardin, c'est détruire une ressource et polluer l'air. Savais-tu qu'en brûlant 50 kilos de déchets verts, tu crées autant de particules fines que 13 000 km parcourus en voiture diesel? Fais pas cette tête, je t'assure que c'est vrai. Composter, au contraire, c'est donner une seconde vie à tes déchets verts en les valorisant. Ils vont devenir un engrais naturel qui pourra enrichir le jardin et aider à avoir des plantes plus fortes. Oui, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Mais non, juste une bonne habitude à prendre. En plus, l'Aglo Senneur nous aide en nous remboursant intégralement l'achat de notre composteur, dans la limite de 150 euros certes, et la moitié de nos broyeurs avec un plafond de 150 euros par subvention. Vu comme ça, ça peut être intéressant. Ah, on est d'accord. N'hésite pas à faire ta demande en ligne sur le site de l'Aglo Senneur ou par courrier. Je compte sur toi. Hein. Nous devons faire attention à notre impact sur l'environnement et penser à la planète que nous laisserons à nos enfants. Ce message vous est proposé par l'agglomération Senneur qui œuvre au quotidien pour la réduction des déchets et la préservation des ressources sur son territoire. Espace, c'est votre radio régionale. Tu le sais ça, facile on le fait ça. T'es ma vie, tu le sais ça, girl. Un jour ou l'autre on se marie, oh. T'es ma vie, tu le sais ça, facile on le fait ça. T'es ma vie, tu le sais ça, girl. Un jour ou l'autre on se marie, oh. My lady, Raconte-moi tous tes rêves, toutes tes folies. Tu ne seras plus toute seule, viens on s'aime, viens on se dit tout. Tout sera bon, sera suite. Donne-moi tout et j'embellirai la suite. Juste nous deux, juste love, mon corps bat vite quand t'es là. Tu m'inspires de belles mélodies, yeah. Juste nous deux, juste love, mon corps bat vite quand t'es là. Tu m'inspires de belles mélodies, yeah. Un jour ou l'autre on se marie, voyage de noces au Caraïbes. J'attends plus que les étoiles s'alignent. T'es ma bad girl, j'suis ton caïd. Bébé, pourtant j'suis en Cali. Nous deux ensemble trop calibrés. On sera libre, peu importe ce qu'il t'arrive. T'es ma vie, tu le sais, ça. Facile, on le fait, ça. T'es ma vie, tu le sais, ça, girl. Un jour ou l'autre, on se marie, yo. T'es ma vie, tu le sais, ça. Facile, on le fait, ça. T'es ma vie, tu le sais, sa gueule. Un jour ou l'autre, on se marie, yo. Tu connais ma vie, j'sais pas comment je pourrais faire sans toi. J'dis pas que t'es mon tout bébé, mais sans toi y'a rien. J'n'ai jamais vu de sans toi. Sur moi, clairement, tu peux compter. J'ai tout misé sur toi, tu peux compter. Sans toi, mon cœur est cimenté. J'ai tout misé sur toi, tu peux compter. Tu le sais, pis je t'ai donné mon cœur, pas des yébis. On aura bien la vie que l'on désire, de l'amour et du plaisir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis le capitaine à bord, dis-moi où on y va. Yeah, yeah, yeah. J'te passerai l'anneau, je sais où on y va. T'es ma vie, tu le sais, ça. Facile, on le fait, ça. T'es ma vie, tu le sais, ça, girl. Un jour ou l'autre, on se marie, oh. T'es ma vie, tu le sais, ça. Facile, on le fait, ça. T'es ma vie, tu le sais, ça, girl. Un jour ou l'autre, on se marie, oh. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille, aux Andelys. Bonjour, nous sommes le lundi 7 août. Bélier, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui vous est favorable va se rallier à votre point de vue. Taureau, d'excellentes nouvelles ont tardé à venir. Vous saurez utiliser à bon escient les informations ainsi recueillies à votre profit. Gémeaux, les problèmes de communication qui pourraient survenir vont s'envoler car vous aurez l'occasion de discuter sérieusement. Cancer, les planètes vous sont très favorables sur le plan personnel. Il serait temps d'envisager des transformations importantes dans tous les domaines. Lion, même si votre environnement vous paraît défavorable, comme la chance vous sourit, vous savez demeurer imperturbable, quoi qu'il advienne. Vierge, manifestez de la discrétion si vous voulez montrer ce que vous valez vraiment. Balance, un manque de communication pourrait conduire à de sérieuses erreurs. Grâce à votre volonté de rester ouvert et en encourageant les autres à s'exprimer, le pire peut être évité. Scorpion, de bonnes nouvelles vous arrivent enfin. Profitez de cette opportunité pour vous situer face aux propositions qu'on pourrait vous faire. Sagittaire, vous pourriez avoir le soutien inconditionnel de quelqu'un qui vous estime beaucoup dans de telles circonstances aussi difficiles. Capricorne, vous retrouvez le grand moral. Un nouvel élément illumine votre vie. Vous allez vous sortir avec brio d'une situation compliquée. Verseau, votre opinion personnelle sur un sujet épineux fera l'objet de nombreuses remarques. Mais vous allez vous sortir de cette délicate situation avec brio, comme toujours. Poisson, vous aurez une agréable surprise. Tentez votre chance car une de vos connaissances proches semble changer d'attitude avec vous. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Espace, votre playlist continue. Plus de sons. Allez, plus de sons avec Rita Lee, Lanza Perfume. Sur Espace, c'est le petit mot de souvenir 80 pour vous accompagner cet après-midi. Courage à toutes celles et ceux qui bossent. Il est 13h26 à 13h30, c'est l'actu près de chez vous. Me aqueça, me vira.

dime, dime dónde estás. Y dile, dile que me quieres más. Y dicen, dicen que no va a durar, como Shakira y Piqué. Cuando tú no estés bien, llama al celular 911. Si estás triste, si me te paso a buscar. Latest designer, get it for you. Tranqui, conmigo tú estás bien. Dueña de mi corazón. Maldigo el tiempo sin tu amor. Pour toi je suis prêt à tout. Selecto. Mami. Selecto. Mami. Cuando tú no estés bien, llama al celular. Si estás triste, si me te paso a buscar. Me laisse pas solo, I am losing control. Je te veux sur ma moto, juste pour moi solo. So let go. Espace, la radio tube. She looks good in the morning, and she don't even know it. I don't want you to go yet. Can we stay in the moment? To my eyes, when you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that. With you on my arm, take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. On an island with the ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning. Even know it. Martin Garrix, Michael Moore, Patrick Stumpin et les Fall Out Boy. Il y a du beau monde hein, pour Summer Days. Et oui, c'est l'été, il y a du soleil, ça fait plaisir. Et bon, certains d'entre vous bossent Dreamix et One T, un remix. Bien 2000 comme on les aime, c'est après la pub. Au Mali, sans école, on peut être soldat à 10 ans. En Inde, sans école, on peut être maman à 14 ans. À cause de la crise sanitaire, des millions d'enfants sont déscolarisés. Avec un LEG à Action Éducation, vous pouvez les remettre sur le chemin de l'école. LEG Assurance Vie, demandez une documentation sur action-education.org ou contactez Audrey Grosjean, responsable du service LEG au 01 55 25 40 92. Aide et Action devient Action Éducation. Avec votre LEG, l'éducation change le monde. Hey, Eurosport Plus, votre magasin de sport, mode sportswear à Étrépagny. Équipements sportifs, chaussures, accessoires et récompenses, mais également personnalisation, impression textile, création adhésif, objets publicitaires, souvenirs, événements. Que vous soyez une association, un professionnel ou un particulier, Denis et Charlène sauront vous accueillir chaleureusement et vous conseiller. Le point fort, la réactivité et la qualité du produit. Rendez-vous au 40 rue Georges Clémenceau à Étrépagny, du mardi au samedi. Retrouvez-nous également sur vos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Votre voiture a besoin d'amour? Pensez douche auto, lavage, rinçage, intérieur et extérieur, avec des produits 100% naturels et locaux. Chaque saison, nous changeons le parfum de notre mousse. Nous vous accompagnons et vous aidons. Prenez le temps de bichonner votre véhicule. Douche auto, 36 avenue Jean Monnet à Pont-Audemer, 06 16 28 79 48. Psst, nous avons aussi un parfum pour l'habitacle. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace. Dans un instant, le répondeur Espace. La radio régionale vous donne la parole. Dédicaces, infos, événements, manifestations. Le répondeur des auditeurs est là pour vous. Laissez-nous votre message. 09 50 35 52 fois. Appel gratuit. Auditrices, auditeurs, organisateurs et partenaires. À vos téléphones. 09 50 35 52 fois. Espace. Toujours plus proche de vous. La plus normande des radios, Espace Radio. Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse, 1T90 booty me. From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? It's the way it used to be. 1T90 booty me. Music's the odyssey. Yeah. It's here for you, for me. Just listen, find the magic key. Listen up. Music's the odyssey. Yeah. It's here for you, for me. Just listen, let your life be free, free, free. Listen up. La plus normande et picarde des radios. Je vois ton sourire sur chaque visage, mais le tien était plus beau. Je voudrais revenir à nos photos. Je me mets dans le rétro et rester blessure sur ma peau. oui, qu'as-tu fait de mes mots? Je cherche encore ton numéro. Je te vois même dans les nuages. Oui, je sais, c'est un peu trop. Car d'où je suis, c'est un peu sur ma peau et je noie mes larmes au fond de l'eau, mes mentos. Je regarde le futur dans le rétro et reste des blessures sur ma peau et je noie mes larmes au fond de l'eau, mes mentos. Quand on chantait trop me. Shakes and it bends, don't give.

Espace, bien sûr, la plus normande et picarde des radios. Il est 14h tout pile en plein cœur de la vallée de Seine. C'est l'actu nationale. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonjour à tous. Un hommage national sera rendu à l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, décédée samedi à Paris à l'âge de 94 ans, avant la fin de l'été, aux Invalides. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué diffusé ce dimanche soir. Le président Emmanuel Macron et son épouse ont salué un destin exceptionnel, mu par l'amour de notre pays, de sa langue et de sa culture. Fin de citation. Un homme a été placé en garde à vue après la découverte dimanche de deux corps présentant des impacts de balles dans un gîte de l'Isère. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le parquet de Vienne. Ces deux personnes ont été retrouvées mortes dimanche à Châtonnay, à une trentaine de kilomètres de Vienne. Une enquête d'abord ouverte pour homicide volontaire a été requalifiée en assassinat. Il ne s'agit certainement pas d'une méconnaissance géographique, mais plutôt de la volonté de faire passer un message. J'irai à Marseille, pas en France. C'est ce qu'a assuré le pape François ce dimanche lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant des JMJ de Lisbonne au Portugal. Une manière de redire, tout en assurant ne pas avoir de problème avec la France, que son déplacement prévu en septembre dans la deuxième grande ville du pays n'aura pas valeur de visite d'État, mais sera consacré à la question migratoire. Les auteurs du coup d'État qui a renversé le gouvernement du Niger le 26 juillet dernier ont décidé ce dimanche de fermer l'espace aérien du pays, redoutant une intervention extérieure, alors que l'ultimatum posé par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé à son terme. Pour autant, ce lundi matin, aucun déploiement de troupes n'avait été officiellement déclenché par la CEDEAO. Une intervention militaire immédiate pour rétablir le président Mohamed Bazoum n'est pas envisagée à ce stade, selon une source proche de la CEDEAO. Un sommet des dirigeants de ces pays membres aura lieu dans les prochains jours pour en décider. Fin de citation. Et puis en sport et en football, l'Angleterre verra les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Anglaises ont battu le Nigeria au tir au but après un match nul 0-0 ce lundi. Autre huitième de finale ce lundi. Il oppose l'Australie au Danemark, le potentiel adversaire des Bleus en quart de finale. Sur la plus normande des radios, Nils. Allez Annabelle, rien que pour moi, c'est sur Espace. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Y'a pas de conte de fées, ça c'est sûr. Pas de belle histoire à conter, ça c'est dur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça fait mal à l'intérieur. Je suis comme tout le monde, j'ai si peur. C'est pas trop tard pour s'enlacer, jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, je m'apprivoise, alors, c'est pas trop tard pour s'enlacer, jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, je m'apprivoise. Trop tard pour s'enlacer, jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, je m'apprivoise, alors, c'est pas trop tard pour s'enlacer, jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, je m'apprivoise. Jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, je m'apprivoise, alors, c'est pas trop tard pour s'enlacer, jamais trop tard, se délecter au fond d'un bar, Allez, viens, on met tout ça de côté. Viens plus m'en reparler. Le passé, c'est le passé. Vaut mieux pas s'emballer. Je peux pas tout arrêter. Je préfère recommencer. T'oublier, t'as pas idée combien j'y ai pensé. J'ai essayé d'effacer, mais ça n'a pas marché. De cœur brisé avec des. Que tú eres mía, no quiero pensarte, haz lo que tú quieras, dame. Toujours l'impression que la vie veut me manger. Moi j'aime trop la ville et ses dangers. Désolé, non, je fais que suivre des étrangers. Hypnotisé par écran géant, bloqué dans le même after depuis des années. Ça fait longtemps, je les ai même pas vus passer. Comme l'écran de mon iPhone, je vois même plus que je suis cassé. Je passe ma vie à fuir, pourquoi ai-je peur de prendre risque? À force de courir, j'ai défoncé mes ASICS. Bloqué dans mes souvenirs, je fais que déclencher des soupirs. Allez leur dire qu'on a peur de grandir. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, j'ai fait plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Je voulais pas grandir, mais on m'a pris de court. Je veux pas rater ma vie, mais je fais tout pour. Pour toujours, pour toujours. Si je creuse assez mon découvert, je trouverais peut-être du pétrole. Persuadé que je pourrais tout faire, mais qu'il y a sans doute mieux à faire ailleurs. Pas que dans mes pensées que je me perds, je risque d'exploser en plein vol. Je serais incapable d'être un bon père, j'y pense en zonant comme un ferrailleur. Je cherche de nouvelles couleurs où tout est terne. J'abandonne dès qu'il faut remplir un papier. Que ça soit elle ou une autre, je vais les perdre. Regardez-moi, je nage où j'ai pas pied. Être heureux, je sais pas faire.